Ouh ! À l'aide ! Ouh ! Aidez-moi ! À l'aide ! Je suis enfermé ici ! Sortez-moi de là ! À l'aide ! Sortez-moi de là ! Ouh ! À l'aide ! Enfin, quelqu'un m'a entendu. Il était temps. Cela fait plus de 140 années que je suis enfermé, ici. Salut, ô visiteur du 21e siècle. Je suis Jacques, le fantôme, mais tu peux m'appeler Jackie. J'étais ouvrier sur le chantier de l'ascenseur à bateau. Sais-tu que la construction a commencé en 1880 ? Les autres gars et moi, on était fiers de travailler sur ce projet. Celui du seul ascenseur à bateau de France. Les décisionnaires nous avaient tout expliqué. C'est le grand Léonard de Vinci qui a introduit le principe des écluses en France. Ici, à Arc, la première écluse à 5 échelles, a d'un dénivelé d'environ 13 mètres. Elle date des 17-18e siècles. Elle longe la voie ferrée. Aujourd'hui, avec l'industrialisation, on consomme plus, donc il faut transporter plus. On allonge les bateaux, mais l'écluse est maintenant beaucoup trop petite pour ce trafic grandissant. Nous allons donc construire ici un ascenseur à bateau en nous inspirant de celui d'Anderton en Angleterre. Quel chantier incroyable ! Nous avions l'impression d'accomplir un exploit. Imagine donc un ascenseur à bateau. Le principe ? Pas compliqué. Je l'avais expliqué à ma fille et elle savait bien sa leçon. C'est très simple. L'ascenseur fonctionne comme une balance de Robert Val. Les péniches avancent dans des bacs, l'une par le canal du haut, l'autre par le canal du bas. Puis, en faisant entrer simplement 30 cm d'eau dans le bac du haut, celui-ci va descendre progressivement. Et par un système de pistons, faire monter celui du bas, et tout cela en moins d'une demi-heure avec simplement une équipe de 5 ouvriers. Et voilà, le tour est joué. Le chantier a duré 4 ans, je sais. Ça a été bien long, mais ça n'a pas été facile. Je me souviens encore des ouvriers qui disaient « Il n'en finit pas ce chantier. À chaque fois, c'est pareil. On nous dit de creuser, alors nous, on creuse. Mais il y a tellement de sources ici qu'à chaque fois, tout est inondé et il faut tout recommencer. » C'est d'ailleurs pour cette raison que tu as la chance de me rencontrer aujourd'hui. Je me suis fait bêtement aspirer par l'une de ces sources. C'était bien avant l'inauguration, le 8 juillet 1888. Mais grâce à toi, je vais enfin pouvoir revenir dans le monde des vivants. Je suis curieux de voir à quoi ressemble l'ascenseur aujourd'hui. Mais qu'est-il arrivé à mon bel ascenseur ? Il n'est plus en service ? Tout est bétonné ? Je me dis qu'il a servi pendant 80 ans, puis qu'il y a eu des avaries. On avait pourtant fait du bon boulot à l'époque. Et ce n'était pas assez rapide, voyons. 25 minutes pour passer ? Vous vivez donc à 1000 à l'heure aujourd'hui. C'est écologique en plus. Pas besoin de charbon pour l'actionner. Alors on a tout arrêté. Et les gens qui travaillaient là, les haleurs qui tiraient les péniches, fraissinaient de plus de 38 mètres de long. Et l'éclusier. Ah, tu me rassures mon ami. J'espère que comme toi, des milliers de visiteurs continueront de venir rendre hommage à ce magnifique ouvrage. Thank you.